10 000 milliardième. Explique-moi ta thèse, que je t'expose mon théorème. Entre parenthèses, dilemme. De notre anathème, nous poussons aux hypothèses, les conséquences l'on soupèse. Le stratagème pour que ça pèse tous ceux qui sont aux extrêmes. Avançons vers la synthèse. Un milliard de fois je t'aime, dans le tout suprême, le dilemme c'est M.